Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la première élection du président de la République au suffrage universel direct, c'était en 1965. Le 5 décembre de cette année-là, les Français se rendent aux urnes pour un scrutin inédit. Pour la première fois en effet, ils vont pouvoir désigner eux-mêmes leur président de la République. Au choix, 6 candidats, le général de Gaulle, François Mitterrand, Jean Le Cadouet, François Texier-Vilancourt, Pierre Marcilassi et Marcel Barbu. Cette révolution institutionnelle a été portée par le général de Gaulle lui-même et plébiscitée par les Français lors d'un référendum 3 ans plus tôt. Convaincu que le président de la République est la clé de voûte des institutions, le général est persuadé que ce mode de scrutin direct et universel est le chaînon manquant du régime établi par la Constitution de 1958, le moyen d'assurer à ses successeurs légitimité et autorité, deux qualités dont il est lui-même doté et qu'il ne manque jamais de rappeler sur la place publique, dans ses discours comme dans son attitude. Alors, dans ce contexte, pense-t-il, son élection sera une formalité. Oui, sauf que rien ne va se passer comme prévu. Notre invité aujourd'hui, Jean Garrigue, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans, spécialiste de la vie politique française. Il vient de publier La République incarnée, de Léon Gambetta à Emmanuel Macron, chez Perrin. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Cayenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Inter, actualité. Au micro Jean Piazza. Les tueurs frappent à l'heure du dîner. Ils ratent mais c'est miracle. C'est le premier titre de ce journal du matin. C'est le titre que vous retrouverez à quelques variantes près à la une de tous les journaux. Le général de Gaulle a échappé hier soir à un nouvel attentat. Ce 23 août 1962, les Français se réveillent hébétés. Le président de la République depuis 4 ans, le général de Gaulle, vient de sortir indemne d'un attentat. La veille au soir, il rejoint l'aéroport de Villacoublay à bord de la DS présidentielle, aux côtés de son épouse, où l'attend un avion pour colomber les deux églises. La voiture traverse le petit Clamart lorsqu'une dizaine de tireurs font feu sur son passage. Plus de 200 douilles de balles sont retrouvées sur la scène de l'attentat, mais aucune ne parvient à toucher ni le président, ni aucun autre passager de voiture. Autrement dit, un miracle. Quant aux auteurs, peu de doutes sur leur identité et leur motivation, c'est signé OAS, Organisation de l'Armée Secrète, enragée depuis la signature des accords d'Évian le 18 mars 62, actant l'indépendance de l'Algérie. En tout cas, l'épisode prouve aux Français que l'homme fort de la Ve République n'est pas invulnérable. Mais il offre surtout une formidable opportunité politique au général. Un contexte on ne peut plus favorable à l'exécution d'une idée qui lui trotte dans la tête depuis un moment. Et dès le 20 septembre suivant, il fait part de son projet aux Français lors d'une allocution télévisée sur l'ORTF. Depuis que le peuple français m'a appelé à reprendre officiellement place à sa tête, je me sentais obligé de lui poser un jour une question qui se rapporte à ma succession, celle du mode d'élection du chef de l'État, des raisons que chacun connaît, m'ont récemment donné à penser qu'il pouvait être temps de le faire. Cette allocution est claire, l'élection du président de la République au suffrage universel direct, c'est l'aboutissement de la conception gaullienne du pouvoir, exprimée déjà dans le discours de Bayeux en 1946 et dans la Constitution de 1958. Jusque-là, pourtant, le chef de l'État de la Ve République est élu par un collège de 81 000 grands électeurs. Un garde-fou pour ceux qui craignent la concentration des pouvoirs entre les seules mains du président. Car dans les têtes, l'ombre de Napoléon III, de son coup d'État, de ce président de la République élu au suffrage universel qui se proclama empereur en 1852, rôde toujours. Alors, l'idée d'un président trop fort fait peur. Autant dire que la proposition du général ne fait pas l'unanimité, elle inquiète même. Alors, dans une tradition césariste et bonapartiste dont il est l'héritier, de Gaulle contourne les partis et s'en remet au peuple donc. Référendum. Et puis il sait l'hostilité des parlementaires à cette réforme constitutionnelle. Il affronte d'ailleurs un cartel des noms rassemblant les principaux partis d'opposition et qui dénonce tout à la fois le fond et la méthode. Un coup d'État, en somme. L'un de ses plus fervents détracteurs s'appelle François Mitterrand, qui en 64 écrira un pamphlet intitulé en écho à tout cela « Le coup d'État permanent ». Mais les Français mettent fin à sa querelle le 28 octobre 1962. Ils disent oui à 62% à cette innovation institutionnelle. Pour le général, le succès est total. Et c'est donc avec beaucoup de confiance et de sérénité qu'il voit approcher la fin de son septennat et donc l'organisation de la première élection du président de la République au suffrage universel direct, prévue pour le mois de décembre 65. Cette élection ne devrait être qu'une formalité, pense le général de Gaulle, persuadé de l'emporter haut la main dès le premier tour. Pensez donc à un taux de croissance au plus haut, 6%, un taux de chômage au plus bas, et la paix retrouvée après les guerres d'indépendance dans les colonies. 1965 rime avec prospérité, sérénité et optimisme. À l'aube de la première élection présidentielle, le pouvoir gaullien est à son apogée. Oh, il y a bien eu un frémissement de contestation avec la grande grève des mineurs de 63, mais pas de quoi fouetter un chat pour le gouvernement. L'opposition est de toute façon morcelée, affaiblie. La gauche se divise entre SFIO, PSU et UDSR. Les communistes, eux, sont coincés, enfermés dans le carcan de la guerre froide. À droite, une poignée de nationalistes et de nostalgiques de l'Algérie française s'agite autour de l'avocat Jean-Louis Tixier-Vignancourt, le premier à se porter candidat au printemps 65. Et puis pour le général, de toute façon, entre lui et les autres, il n'y a pas photo. Lui a libéré la France, puis l'a débarrassé 14 ans plus tard de cette quatrième république qu'il réduisait au régime des partis. Lui est une figure, les autres pataugent dans le marigot. Alors, pourquoi faire campagne? Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire si vous comptez vous présenter à l'élection du 5 décembre? Je vous réponds tout de suite que vous le saurez, je vous le promets, avant deux mois d'ici. Au cours de cette conférence de presse du 9 septembre 1965, le général de Gaulle laisse planer le doute sur sa candidature. Et il reprend sa conversation avec la presse, comme si de rien n'était, répondant aux questions sur l'OTAN, les tensions entre l'Inde et le Pakistan, les négociations sur le désarmement, la crise du marché commun, enfin, tranquille. Mais en coulisses, un candidat bien déterminé fourbit ses armes. Alors que le président de la République s'exprime, l'agence France-Presse publie un communiqué signé François Mitterrand. À moins de 3 mois de l'élection présidentielle, les Républicains résolus à combattre le pouvoir personnel, et je pense d'abord à ceux qui, par tradition et par idéal, se reconnaissent dans la gauche française, sont dans l'incertitude. J'ai donc décidé de solliciter les suffrages des Françaises et des Françaises le 5 décembre prochain. Il appartiendra aux organisations politiques, comme à chaque citoyen, de se déterminer en fonction des options fondamentales qui commandent ma candidature. Il va de soi qu'il s'agit essentiellement pour moi d'opposer à l'arbitraire du pouvoir, au nationalisme chauvin et au conservatisme social, le respect scrupuleux de la loi et des libertés, la volonté de saisir toutes les chances de l'Europe et le dynamisme de l'expansion ordonné par la mise en œuvre d'un plan démocratique. Oser s'exprimer en même temps que le général de Gaulle, c'est ce qu'on appelle un coup politique. Parce que l'instant choisi pour se déclarer fait caisse de résonance, parce qu'elle attire l'attention sur le candidat Mitterrand. Pour autant, le général accorde peu de crédit à ce challenger. Âgé de 49 ans, François Mitterrand est alors maire de Château-Chinon, dans la Nièvre. Député à 30 ans, il a déjà été 11 fois ministre sous la 4e République. Mais ce jeune loup ambitieux traîne dans son sillage un passé sulfureux. prisonnier de guerre en 40, il travaille un temps pour Vichy avant d'entrer en résistance. C'est suffisant pour inspirer un certain mépris au général de Gaulle. D'autant que, depuis 1958, le même Mitterrand ne cesse de dénoncer le régime de la Cinquième. Ce 9 septembre 65, François Mitterrand décide donc d'affronter de Gaulle sur son propre terrain, l'élection présidentielle. Bon, Mitterrand n'est qu'un électron libre, à la tête d'une petite formation, pense le général, candidat de dernière minute, qui plus est. Car c'est Gaston Defferre, le maire de Marseille, membre de la SFIO, qui devait porter les couleurs d'un rassemblement de centre-gauche. Mais Defferre, incapable de sceller l'alliance entre son parti et le MRP centriste, jette l'éponge avant l'été 65. Pour François Mitterrand, qui avait jusque-là soutenu loyalement l'initiative, la voie est libre. Et c'est à ce moment que le stratège entre en action. Pour être un candidat sérieux, Mitterrand sait qu'il lui faut gagner le soutien de la SFIO, mais aussi de Pierre Ménès France, la figure emblématique du PSU. Il doit également s'assurer qu'il n'y aura pas de candidat communiste. Car Mitterrand en est persuadé, c'est à gauche qu'il fera réussir le rassemblement. D'ailleurs, pour les frères ennemis socialistes, la SFIO et le PSU, l'option Mitterrand n'est pas une si mauvaise solution, finalement. De plus, il n'est pas directement issu de leur rang, donc en cas d'échec électoral cuisant, il en porterait seul la responsabilité. Pas vu, pas pris. Ainsi, au fil de l'été, France et Mitterrand gagnent le soutien de Ménès France, puis de Léon Blum. Reste à convaincre le Parti communiste. Valdec Rochet, le nouveau chef du PC depuis la mort de Maurice Thorez, voit plutôt d'un bon œil la perspective d'une union entre la gauche. Surtout, il veut éviter un nouvel affront électoral. Entre Mitterrand et Valdec Rochet, les négociations débutent dans le plus grand secret à la fin du mois de juin 65. Le chef communiste a dans le coin de la tête une vieille revendication, celle d'un programme commun. Trop ambitieux pour le moment, il le sait, il est prêt à se contenter d'une plateforme commune. Il souhaite aussi une rencontre publique avec le candidat socialiste. Mais là, refus catégorique de l'intéresser. Le 20 septembre, Valdec Rochet fait parvenir à Mitterrand une lettre établissant les conditions auxquelles le Parti communiste est prêt à soutenir l'union proposée par le candidat socialiste. Lequel répond par courrier, deux jours plus tard, et le rend public. Le 23 septembre, l'affaire est conclue. Valdec Rochet s'exprime devant les journalistes à la sortie du comité central de son parti, à Drancy. Le comité central du Parti communiste français a décidé unanimement de soutenir la candidature de François Mitterrand en tant que candidat d'union de tous les partis de gauche et organisations démocratiques sans exclusive. Cette décision a été obtenue au bout de longues discussions ou non ? Cette décision a été obtenue à la suite d'une discussion à l'unanimité. La stratégie déployée par François Mitterrand porte ses fruits. Fort de ce succès, il déclare quelques jours plus tard « Je ne suis l'homme ni d'un parti, ni d'une coalition de partis, je suis l'homme d'un combat ». Les semaines suivantes, le PSU, la CGT et le Parti Radical officialisent à leur tour leur soutien. François Mitterrand peut donc partir en campagne, mais avec de modestes moyens. Ses équipes s'entassent dans un petit trois pièces rue du Louvre qui fait office de QG. Sur son affiche de campagne, en noir et blanc, on voit François Mitterrand de trois quarts, le regard fixé sur l'horizon, devant un champ, des usines fumant en arrière-plan. C'est pas encore la force tranquille, mais ça y ressemble. Le slogan, lui, est une attaque en règle contre De Gaulle et ses 75 ans, un président jeune pour une France moderne. Bon, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Il y a bien deux autres candidats déclarés, Jean-Louis Tixier-Vignancourt pour l'extrême droite et le sénateur Pierre Marcilci, transparent. Pendant ce temps, le MRP, centriste, cherche candidat. Alors, c'est le temps des rumeurs. Tiens, on verrait bien Antoine Pinet, ancien président du Conseil, ministre des Finances du Général en 58, qui a pris ses distances depuis 1960, porter les voix des centristes. Le MRP fait tout pour le convaincre. En vain. Et le temps file, et l'élection approche. Alors il faut que quelqu'un se dévoue avant qu'il ne soit trop tard. À la surprise générale, c'est Jean Le Canuet, le président du parti, qui s'y colle. Le 19 octobre, il annonce sa candidature et s'en explique le soir même au micro de Jean-Pierre Alcabache sur France Inter. J'entends être le candidat du centre, c'est-à-dire de tous ceux qui sont démocrates, européens et sociaux, et qui ne s'accommodent ni du régime tel qu'il va au plan économique, social et international, notamment dans le domaine européen, ni d'une gauche qui est un cartel maintenant envahi par les communistes. Que ferez-vous si les radicaux qui font partie du comité de démocrates décident de se rallier à la candidature de François Mitterrand, comme il en est question d'ailleurs? Nous verrons d'abord le pourcentage et la proportion des radicaux qui choisissent cette voie, mais ça ne modifiera en rien ma décision qui est irrévocable d'être le candidat du centre. Pour la grande majorité des Français, Jean Le Canuet est un illustre inconnu. Il n'est d'ailleurs pour l'instant crédité que de 2% des intentions de vote. Âgé de 45 ans, cet agrégé d'histoire, bon père de famille et bon chrétien, est sénateur de Seine-Maritime et président du MRP depuis 1963. Ancien résistant, torturé par la Gestapo qui a réussi à s'évader, il a très peu fait parler de lui jusque-là. Mais l'homme a pris d'un tour dans son sac. Il s'est intéressé de près à la campagne de Kennedy, figurez-vous. Il a compris le rôle que pouvaient jouer les sondages et la télé. Des enseignements qu'il va mettre à profit. Comme tout droit sorti d'une publicité pour brosse à dents, Jean Le Canuet illumine ses affiches d'un large sourire. Jean Le Canuet se la joue Kennedy. Voilà, c'est avec ce casting que la première campagne présidentielle de la Ve République se lance à un mois et demi du scrutin. Les candidats entament les meetings et les rencontres avec les Français. Il y a pourtant toujours un grand absent. Toujours et encore. À l'Élysée, le général de Gaulle, car c'est lui dont il s'agit évidemment, remplit sa mission de président comme si de rien n'était. Toujours pas candidat. Ce qui a donc d'exaspérer ses adversaires qui ont l'impression de parler dans le vide. C'est vrai quoi, cette campagne c'est tous contre lui, mais s'il n'est pas là, ça devient compliqué. Quant aux sondages, ils sont toujours de nature à doucher les espoirs de ces mêmes adversaires. Ils accordent 70% d'intention de vote au général. Donc, pour le président, pas encore candidat, tout va bien. C'est fini. Voici Françaises, Français, aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche, mesurant en connaissance de cause de quel effort il s'agit, mais convaincu qu'actuellement, c'est le mieux pour servir la France. 4 novembre 1965. Soulagement dans le camp gaulliste et dans l'opposition, à un mois tout juste de la présidentielle, le général est enfin candidat. De Gaulle, sauveur de la France. De Gaulle, bâtisseur d'institutions fortes et durables. De Gaulle, garant de la paix. De Gaulle, redresseur de l'économie. On connaît, mais soudain, au cours de ces 9 minutes d'allocution télévisée, le ton change. Que l'adhésion franche et massive des citoyens m'engage à rester en fonction, l'avenir de la République nouvelle sera décidément assuré. Sinon, personne ne peut douter qu'elle s'écroulera aussitôt et que la France devra subir, mais cette fois sans recours possible, une confusion de l'État, plus désastreuse encore que celle qu'elle connut autrefois. Moi ou le chaos, diront les journaux le lendemain matin. Sa déclaration sonne comme un ultimatum aux Français. De quoi apporter de l'eau au moulin de ses opposants, qui dénoncent, justement, le trop grand pouvoir personnel du général de Gaulle, qui, lui, estime au contraire avoir mis les choses au clair avec les Français. Donc, rien à ajouter. Pas besoin d'aller dans la mêlée. Qu'ils s'écharpent et se montrent à la télé, ça les occupera. Alors, arrogance ou aveuglement, le général décide de ne pas utiliser les 2 heures de temps de parole attribuées à chacun des candidats à la radio et à la télé. Et pourtant, au lendemain de sa déclaration de candidature, le chef de l'État a déjà perdu 5 points dans les sondages. Et la courbe continue de baisser les jours suivants. Malgré l'insistance de ses conseillers et de certains ministres, rien n'y fait. De Gaulle ne se fie pas aux sondages, il se fie au peuple. Ses adversaires, qui n'en espéraient pas tant, pendant que le général se mure dans le silence, eh bien, eux occupent le terrain. De meeting en conférence de presse, François Mitterrand sillonne la France et réunit des foules de plus en plus nombreuses. Le 17 novembre, au Lutetia, il présente 28 propositions. Ligne de départ de la gauche moderne, dit-il. Pilotage keynésien de l'économie, justice sociale et libéralisation des mœurs, notamment légalisation de la pilule contraceptive et planification des naissances. Grâce à l'appui logistique et humain des communistes, des milliers de réunions sont organisées dans toute la France. 5 millions de tracts du candidat de la gauche sont diffusés et un numéro spécial de l'UMA paraît en kiosque à 6 millions d'exemplaires. De son côté, Jean Le Canuet, parti le dernier, met les bouchées doubles. Un homme neuf pour une France en marche, proclame ses affiches. Que le général de Gaulle se le tienne pour dit, assez de la perpétuelle rengaine sur sa légitimité historique. Et le candidat centriste n'épargne pas le bilan du chef de l'État. Il étrille ses médiocres performances économiques, je cite bien sûr, et s'engage à faire de la relance européenne une politique nouvelle. Des arguments et une personnalité qui commencent à séduire. À sa grande surprise d'ailleurs, Le Canuet attire de plus en plus de supporters dans ses meetings. 1000 le 29 octobre à Annecy, 3000 le 16 novembre à Lille, 4000 le lendemain à Marseille. Le signe sans doute que l'élection du président de la République suscite l'intérêt des Français et réellement. Surtout avec la campagne officielle à la radio et à la télé, lorsqu'ils voient apparaître sur leurs écrans le 19 novembre 1965 ce candidat par exemple. Cela n'a pas été simple de parvenir jusqu'à vous. Songez qu'en 18 mois de campagne électorale, j'ai eu droit à 1 minute de télévision. C'était en octobre 64 et le général de Gaulle était en Amérique du Sud. Quand il est rentré, il a fait savoir sèchement qu'il se réservait le monopole de la parole. Cette voix rocailleuse de tribun, c'est celle de l'avocat Jean-Louis Texier-Vignancourt, le premier à s'exprimer après tirage au sort. ce candidat d'extrême droite tente d'émouvoir et s'oppose en défenseur de la veuve et de l'orphelin. Les Français découvrent ensuite, éberlués, Marcel Barbu, invité surprise de l'élection, qui a eu la malicieuse idée de s'en servir pour promouvoir son association pour la gestion et la construction immobilière de Sannois. Cette première soirée est donc celle des petits candidats. Il faudra attendre le lendemain soir pour voir les concurrents les plus sérieux. Ce 20 novembre, à 20h30, c'est François Mitterrand qui s'exprime le premier. Plus habitué aux meetings qu'au plateau de télé, l'orateur brillant semble déstabilisé par la caméra. Ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, vous, Françaises et Français, qui cherchez en conscience où se trouve le devoir, qui vous interrogez sur ce qu'il convient de faire pour la France le 5 décembre prochain, et moi, candidat unique de la gauche à la présidence de la République, qui vous demande de m'écouter et de comprendre pourquoi je fais appel à vous. Oui, ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. Je suis candidat contre le général de Gaulle, mais contre lui seul, car lui seul compte. On sent de la tension, plus sur le visage d'ailleurs que dans le son de la voix. Mais enfin, le candidat a du mal à se faire à l'exercice et sort défait de cette intervention télévisée. Les émissions suivantes, au cours desquelles il répond aux questions de Roger Louis, puis de Benoît de Groult, ne sont plus réussies. Il peut y évoquer son programme, donner sa définition de la gauche moderne et ses relations avec le Parti communiste. Mais le véritable gagnant de cette épreuve s'exprime juste après lui. C'est Jean Le Canuet, toujours sourire Colgate et cheveux pétrolane. Il crève l'écran. Déjà surnommé le Kennedy français, une consécration. Eh bien, il s'exprime dans un style direct qui détonne. Voici notre première rencontre. Vous allez donner vos voix. Il est naturel que vous connaissiez celui qui vous les demande, surtout lorsqu'il s'agit d'un homme neuf. Je dois donc me présenter à vous. Reconnaissez qu'il est très difficile de parler de soi. Enfin, essayons. Je suis Jean Le Canuet. J'ai 45 ans. C'est l'âge des responsables des grandes nations modernes. Passé l'opération séduction, Jean Le Canuet attaque sans détour le général de Gaulle. Stupéfiant pour les Français qui voient là un crime de lèse-majesté. Disons surtout qu'ils n'ont pas été habitués à ça, car depuis 7 ans, la télé s'est chasse-gardée du pouvoir gaulliste. Contrôlée, censurée, l'audiovisuel public ne diffuse pas de voix discordantes. Seuls 6 millions de foyers possèdent un téléviseur à l'époque, c'est vrai. Mais pour ne rien rater de l'événement, on se rue sur les postes alloués, on invite famille et amis, on se regroupe dans les cafés, parfois même devant les vitrines de chez Pathé Marconi, là, au coin de la rue. Au total, ça fait tout de même près de 15 millions de personnes, soit plus de la moitié des corps électoraux suspendus à la parole des candidats. Une semaine après le début de la campagne officielle, panique à l'Élysée. Oui, le général de Gaulle n'est plus crédité que de 51% d'intention de vote, soit une chute de 20 points en quelques semaines. En Conseil des ministres, le premier des ministres, Georges Pompidou, insiste pour que le président réagisse. Alors, le général consent à prendre la parole le 30 novembre, 5 jours avant le scrutin. Enfin, 5 oppositions vous présentent 5 candidats. Leurs engagements dans tous les sens montrent à l'évidence que l'accession de l'un quelconque d'entre eux au poste suprême marquerait infailliblement le retour à l'odieuse confusion où se traînait naguère l'État pour le malheur de la France. Et toujours un discours en forme de menace. Mais le général n'a pas compris, semble-t-il, que la campagne l'a fragilisé et que les interventions télévisées des autres candidats l'ont fait passer de mode. Alors, pour tenter d'éviter la catastrophe, on envoie les ministres en première ligne écumer les plateaux télé, inaugurer à la va-vite des autoroutes, assister au lancement de fusées. Mais ce sursaut avant la grande confrontation n'arrive-t-il pas trop tard ? Madame, vous faites votre marché. Est-ce que vous avez pensé à aller voter? Ah oui, j'en sors. Vous en sortez? Oui. Vous aviez hésité jusqu'au dernier moment? Ah non, au contraire, c'est la première fois que je vote, alors vous comprenez que c'est allé vraiment rapidement. Alors. Pourquoi aujourd'hui, alors exceptionnellement? Parce que j'estime que voter pour son président, c'est un avenir pour la France quand même. Monsieur, vous travaillez, est-ce que vous avez pensé à aller voter aujourd'hui? Bah, évidemment que j'ai été voter, c'est la première chose à faire en se levant. Madame, je vois que vous faites votre marché, est-ce que vous avez pensé à aller voter? Mais j'y vais. Vous y allez? Oui, monsieur. Vous avez déjà choisi votre candidat? Oh, oui, monsieur, je ne change pas d'idée. Les résultats de ce premier tour, mais précisons qu'il s'agit de chiffres provisoires. Le résultat officiel du vote d'hier ne sera publié que demain mardi à 20h après la réunion du Conseil constitutionnel. D'ici là, en effet, le Conseil a pour tâche... Le 5 décembre 1965, pour la toute première fois, les Français peuvent choisir leur président. Le premier tour est un franc succès puisque 85% d'entre eux se présentent dans l'isoloir. Un record. Le soir venu, les voici tous à nouveau réunis devant leur écran pour suivre en direct la grande soirée électorale de l'ORTF qui, pour la première fois, garde l'antenne jusqu'à 4h du matin. Et le résultat qui s'esquisse au fil des estimations est un choc. Avec 44,3% des voix, le général de Gaulle est en tête, certes, mais il est mis en ballottage par François Mitterrand, deuxième donc, avec 31,7% des voix. Pour Jean Le Canet, qui réunit 16% des suffrages, le résultat est décevant. C'est pourtant lui qui, siphonnant les voix gaullistes, a fait chuter le général de son piédestal. Lorsqu'il apprend la nouvelle, de Gaulle est dans sa maison colombée des deux églises, où il a voté un peu plus tôt dans la journée. Groggy, il en arrive même à se demander s'il doit participer au second tour. Il ne lui faut que quelques heures pour se reprendre. Et devant le Conseil des ministres, 3 jours plus tard, il déclare... On a vu les résultats, je pensais qu'ils seraient meilleurs, j'avais tort. C'est moi, et moi seul, qui ai confondu élection et référendum. Et je mentirais si je disais que je n'ai pas été atteint. Quel aveu! Mitterrand, lui, triomphe. Qui l'eût cru, il y a quelques semaines. Et c'est donc une nouvelle campagne qui s'amorce. Pour le deuxième tour, Mitterrand reprend son tour de France de meeting en meeting et les gaullistes lui emboîtent le pas et organisent à leur tour de grandes réunions publiques. Mais la véritable confrontation entre les deux candidats a lieu bien évidemment à la télé. Le 11 décembre, le général de Gaulle s'exprime le premier. Les propos habituels sur les grandeurs de la France et la grandeur de la France, le président paraît encore sonné. Mitterrand, lui, fait face à un nouveau défi, affirmer sa stature d'homme d'État. L'outsider se pose en candidat de tous les républicains. Mais de Gaulle n'est pas prêt à laisser tomber les armes si facilement. Et pour la première fois, il accepte de se mettre en pyjama, comme il dit, c'est-à-dire de répondre à une interview à la télé. De Gaulle change donc de stratégie. Il laisse son uniforme au placard et se présente en civil. Et cette fois, il se montre plus direct et plus proche des Français. Il y a... Pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, elle veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table... et que les filles ne rentrent pas la nuit. Le duel tourne en la faveur du chef de l'État. François Mitterrand, lui, est, en tout cas, il semble, fatigué, éreinté par 3 mois de campagne. Et il n'a toujours pas apprivoisé la caméra. Où donc est le choix, le 19 décembre? Et de quel côté se trouve l'aventure? Moi, je la vois du côté de ce président sortant, qui, malgré tous ses mérites, s'attarde dans les querelles dépassées, regarde du côté du passé et vous demande de gouverner 7 ans encore. Vaille que vaille, avec une majorité désavouée et une politique qui a été dès maintenant refusée par le peuple. Alors moi, je vous appelle, avec tous les républicains, à m'aider dans la tâche que j'ai entreprise, restituer à chaque citoyen sa dignité de citoyen, sa responsabilité d'homme ou de femme libre, car il importe maintenant d'aborder cette dure mais noble tâche, fonder la démocratie véritable. Le 19 décembre 1965, les Français retournent aux urnes pour départager François Mitterrand et le général de Gaulle. Le président sortant recueille 13 millions de suffrages, soit 54,5% des voix. Même s'il échoue à déboulonner de Gaulle, Mitterrand fait trembler la statue et son score surprend. Il fait désormais figure de chef de l'opposition. L'homme de l'appel du 18 juin, lui, repart pour 7 ans à l'Élysée, en principe. Car avec cette élection présidentielle au suffrage universel, paradoxalement, le lien sacré entre le général et les Français s'est rompu. Et d'ailleurs, le divorce sera consommé 3 ans plus tard. Un petit coin perdu, très loin de la ville, une route sauvage, sous un ciel tranquille, et cette grande entrée. Au bout du chemin, je pousse la grille et soudain, une grande maison au bout d'une allée, une grande maison tout abandonnée. Et puis sur la porte, une petite pancarte où l'on a écrit à louer. S'est levé et là-haut au premier, ce volet qui bat ne ferme toujours pas. Ce volet grinçant cachait notre amour. Tu m'avais promis, mais un jour comme un autre, je t'ai attendu jusqu'au petit matin, mais tu n'es pas venu. Les mois ont passé et malgré moi j'attends, je t'attends encore et pourtant. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la présidentielle de 1965 que l'on va commenter et éclairer avec notre invité Jean Garrigue. Bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans, spécialiste de la vie politique française. Votre dernier ouvrage sorti au début de l'année s'appelle La République incarnée. Il est publié aux éditions Perrin. D'ailleurs, c'est un très joli livre avec une très très belle couverture et le visage dessiné de Léon Gambetta. C'est ça. Le livre s'appelle De Léon Gambetta jusqu'à Emmanuel Macron. À l'époque, Jean Garrigue, l'hyper-présidentialisation voulue et incarnée par le général de Gaulle est très critiquée par l'opposition et notamment par François Mitterrand avec son coup d'état permanent. Mais les Français adhèrent en bloc, c'est une espèce de oui massif qu'ils disent au général de Gaulle pour l'élection de leur président au suffrage universel. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, pardon de vous couper, mais à l'époque, l'idée est quand même très très nouvelle. On sort d'un régime parlementaire, hein, la 4ème République. La quasi-totalité de la classe politique de 1962, ce qu'on appelle cartel des noms, et la plupart des juristes et beaucoup d'observateurs, de journalistes, considéraient que c'était un coup de force, que c'était scandaleux. Pourquoi ? Parce que on gardait le souvenir de ce qu'avaient été les deux empires, et surtout de Napoléon III, cet empire plébiscitaire qui était né d'un coup d'État. Et on rappelait que le 13 mai 58, ça avait aussi un peu des allures de coup d'État, et que voilà, il y avait quelque chose de très autoritaire dans la manière du général de Gaulle de gouverner. Mais en même temps, il y avait cette aura incroyable du général de Gaulle, double sauveur, l'homme qui avait sauvé la France en 1940 et qui l'avait sauvé ensuite, justement, lors de la crise de 58. Et donc, finalement, on acceptait tout du général de Gaulle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en 62, il passe par le référendum pour imposer cette révision de la Constitution. Ça veut dire aussi que les Français veulent une incarnation, une personne, à la fois pour les représenter et pour les gouverner, parce que dans la philosophie de gouvernance du général de Gaulle, il y a ça, ça. Incarnation, c'est pas inaugurer les chrysanthèmes, c'est tout le contraire. Ah, incarnation et décision. Ouais, inaugurer les chrysanthèmes, c'était bon pour les présidents de la 3e ou de la 4e. Lui, il voulait être un président qui gouvernait réellement, qui avait le véritable pouvoir. Et au fond, je le répète, le poids de cette tradition bonapartiste était tel sur la société française. Il est encore très présent. Peut-être que s'est-il quand même estompé. Il était tel à l'époque que, voilà, on ne contestait pas justement cette manière de gouverner, renforcée évidemment par tous les rituels de la présidence gaullienne, la fameuse conférence de presse, qui était véritablement une sorte de d'hommage majestueux des journalistes et de la société, un show du général de Gaulle, les bains de foule qu'il a vraiment inventé, parce que avant lui, les présidents de la République n'allaient pas comme ça à la rencontre des Français, et puis ce qu'était cette présidence qui confisquait, il faut bien le dire, une grande partie de l'information, la quasi totalité des journaux télévisés de 20 heures était consacrée à des visites du général de Gaulle ou de ses ministres. Donc il y avait vraiment quand même là une France totalement corsetée dans l'hommage au général de Gaulle. Alors les tenants non pas d'une république parlementaire aujourd'hui, mais d'un équilibrage des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, disent aussi que jamais les Français n'accepteraient d'être privés, là, aujourd'hui, de l'élection au suffrage universel direct de leur président. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une exception française qui, je le répète, s'enracine dans toute cette histoire depuis Napoléon Ier. On peut aujourd'hui se poser les questions, parce que on est dans une société de plus en plus horizontale, une société de l'individu qui conteste toute forme de pouvoir. On voit bien, tous les sondages le montrent. Et donc, on peut se demander si, au fond, la société française aujourd'hui ne serait pas mûre pour rejoindre finalement le système général de l'Europe, à savoir un système parlementaire, et revenir paradoxalement à ce qui existait avant le général de Gaulle. Alors, il n'en reste pas moins qu'en 1965, la mise en ballotage du général de Gaulle est une surprise. Est-ce que, comme je le laissais entendre ou le proposais en conclusion du récit, vous pensez également que ça envoyait un message, les Français ont envoyé un message selon lequel le général de Gaulle était encore apprécié, mais il n'était plus sacré. Oui, ça me paraît très clair. Alors, il faut rappeler quand même ce qu'on se souvient pas de ce qui s'est passé en 58 ou même en 62. Je rappelais tout à l'heure le cartel des noms. Il faut se souvenir qu'en 1962, au moment de ce cartel des noms, c'est la seule fois où une motion de censure est votée. C'est-à-dire que le gouvernement qui représentait le général de Gaulle, le gouvernement de Georges Pompidou, est mis en minorité. Ce qui veut dire qu'il y avait quand même une opposition politique qui était là, qui était présente, et que François Mitterrand a su justement canaliser, fédérer en 1965. Mais incontestablement, le fait même que le général de Gaulle soit mis en ballotage, qu'on voit apparaître au moins deux figures de l'avenir qui sont François Mitterrand et Jean Le Canuet, même si François Mitterrand était un cheval de retour de la vie politique, il apparaissait comme un homme neuf, il avait 49 ans. Que ces deux personnalités émergent, qu'on se dise qu'il y a une alternative à gauche et au centre d'ailleurs, bah tout ça fait que le général de Gaulle perd quand même son statut d'icône, perd son statut d'idole, et il rentre un tout petit peu dans l'arène, et c'est ce qu'on va voir ensuite, avec toute cette génération de mai 68 qui va le contester, qui va remettre en cause non seulement le général de Gaulle, sa personne, sa manière de gouverner, mais toute la société qu'il incarne, et puis ce qui va se passer évidemment un an en après, 1969. Le référendum, et merci, au revoir. Voilà. Alors, parlons un peu du troisième homme, parce que cette élection présidentielle, elle est l'esquisse de toutes les autres dans son schéma, c'est-à-dire qu'on a un candidat centriste qui montre pour la première fois, et tous ses successeurs, jusqu'à récemment, bien sûr, centristes, montreront qu'ils n'ont jamais rien fait d'autre que jouer les utilités, faiseurs ou défaiseurs de rois, et jamais le grand soir pour eux, jamais. Et Le Canuet, il inaugure ça. Mais oui, c'est-à-dire que... C'est bipolaire, donc c'est difficile. Voilà, Jean-Luc Hanouet, il a fait ce qu'il a pu, et c'est même... ça a été tout à fait spectaculaire, puisqu'il partait vraiment de très très bas. Il était à 4-5% dans les sondages, et à un moment donné, il arrive même jusqu'à 20%, et puis au moment de l'élection, il est à 15% au premier tour. Il a fait ce qu'il a pu, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, c'était beaucoup inspiré des campagnes à l'américaine, des campagnes de Kennedy, on l'appelait le Kennedy français, ses adversaires l'appelaient Monsieur Dent Blanche. Donc, il a fait ce qu'il a pu pour faire vivre une tradition française, une famille politique qui, contrairement à ce qu'on peut penser, est une tradition très ancienne déjà, qui remonte au 19e siècle, cette famille démocrate chrétienne, centriste, qui n'est ni la droite libérale, ni le socialisme ou toute forme de socialisme, c'est autre chose. Et il a eu au moins ce mérite de la faire réexister, parce qu'elle existait déjà, attention, sous la 4e République, ça s'appelait le MRP, c'était un parti de gouvernement. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'en 58, De Gaulle avait totalement siphonné l'électorat du MRP. Il l'avait ramené à lui, parce que c'était des gens qui étaient avant tout épris d'ordre, de conservatisme, et voilà. Des valeurs de droite, mais qui avaient en même temps une fibre un peu différente. Sociale. Pas cette fibre, voilà, cette fibre humaniste, sociale, qui n'était pas celle et européenne, j'ajoute. Et européenne. Très important. Jean-Luc Hanouet, c'est vraiment le candidat social et européen, et c'est là-dessus que après lui, c'est là-dessus que la famille centriste va se construire. Giscard d'Estaing notamment. Voilà. Le plus européen des Européens à l'époque. Giscard d'Estaing le plus européen, mais évidemment en jouant toujours un jeu très ambigu entre la droite et la gauche, et finalement en étant toujours happé par la droite. François Bayrou, par exemple, c'est quelque chose. François Bayrou. On a passé tout à l'heure un extrait d'une des conférences de presse ou d'allocution télévisée du général de Gaulle où il prend cette image, cette métaphore amusante de la ménagère, comme ça à l'époque, qui veut le frigo, ça c'est le progrès, c'est le mouvement, et puis on a coupé l'archive, mais il dit ensuite, mais la ménagère, la mère de famille, elle veut pas que les gamins aillent bambouler, ça c'est l'ordre. Donc c'était, voilà, le progrès et l'ordre. Donc c'est de la com politique. Il y a un message politique, mais il y a l'emploi d'une image pour faire comprendre au plus grand nombre, c'est de la com politique. Et puis, le Canouet, alors lui, c'est de la com politique moderne, à travers le physique, la télé, les dents blanches. 65, c'est le début de la com politique. Ah oui, c'est incontestablement le début. D'abord parce que la télévision s'impose, vous l'avez rappelé aussi, les gens se réunissent même dans la rue pour regarder les postes de télé dans les magasins. Toute la France est là au moment des émissions électorales. Donc on est en plein dans le début de la com. Et là, le Canouet l'a totalement compris. Mitterrand a eu un peu plus de mal parce que ses affiches sont quand même très ternes, très noir et blanc, ça ne passe pas. Mais le Canouet, c'est l'inventeur de la com, je le répète, il avait suivi les préceptes américains, l'exemple de Kennedy, donc tout ça. Et alors, ce qui est frappant, effectivement, c'est que le général de Gaulle, qui est un homme de radio, qui avait fait toute sa carrière sur la radio, l'appel du 18 juin 1940, comprend finalement, entre les deux tours, ce qu'est véritablement l'utilité, la force, l'impact de la télévision, et magistralement va totalement changer son discours, la nature même de son discours, devenir beaucoup plus proche des Français, beaucoup plus humble aussi dans la présentation qu'il fait de lui-même, et dans ces fameuses interviews avec Michel Droit au second tour, eh bien donner un autre visage de lui-même, ce qui va lui permettre au moins de limiter les dégâts. D'où la parabole de la ménagère. Alors évidemment, vous parlez de la télé, ça c'est très très important puisque c'est nouveau dans une campagne présidentielle. D'ailleurs, on va écouter trois candidats donc qui passent à la télé lors des spots officiels, tour à tour François Mitterrand, Jean-Louis Tixier-Vignancourt et Jean-Luc Hanouet. Le général de Gaulle se fait certainement de la France une idée respectable, mais il oublie le plus souvent de s'occuper des Français. Or, où en seront les Français dans 10 ans? Si l'on nous dit que le général de Gaulle a beaucoup parlé pendant 7 ans, il n'a jamais dit tout à fait la même chose. Et les Français auraient été heureux de connaître sa pensée exacte en ce moment. Ne parlant que vendredi prochain, nous ne connaîtrons pas le programme du général de Gaulle. Et dans ces conditions, c'est un chèque en blanc qu'il demandera à la nation. Si le général de Gaulle fait appel à sa légende pour tenter de maintenir et d'imposer encore cette politique, c'est pour nous une raison de plus de la combattre. Le chèque en blanc, là, Texier-Vignancourt, c'est pas idiot. Hein. C'est pas idiot parce que on va y arriver. C'est-à-dire que le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République n'est pas la seule réforme majeure de la Ve. Il y a aussi la mise en place du quinquennat. Parce que là, à l'époque qu'on raconte, on est dans le septennat. Un sacré, et le septennat sacré. Hein, on s'est dit, oh, jamais on passera 5 ans. Finalement, par référendum, le 24 septembre 2000, le président de l'époque, Jacques Chirac, fait passer le quinquennat. On va l'écouter le soir du vote. Tous les 5 ans se tiendra ce grand débat démocratique qui engage notre avenir et celui de la nation. Je vous avais appelé à faire ce choix, vous avez répondu oui. Élu de tous les Français, le président incarne l'intérêt général et la continuité de la République. Vous le choisirez plus souvent, votre voix, votre décision compteront davantage. Votre pouvoir démocratique s'en trouvera renforcé. Ce jour doit marquer une étape importante. En vous donnant plus fréquemment la parole, le quinquennat va créer des exigences nouvelles, pour vos élus d'abord, mais aussi pour chacun d'entre vous. La démocratie appartient à chaque Français, et chacun en est également responsable vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Alors j'y viens, mon chèque en blanc. C'est-à-dire que on passe du septennat au quinquennat. D'accord, sauf que le point le plus important, c'est qu'il y a concomitance entre le quinquennat et la législature. Exactement. Donc comme le président a de toute façon une majorité mécanique au bout d'un mois, c'est un chèque en blanc pendant 5 ans. Sauf le respect de Jacques Chirac, il a fait au moins 3 grosses bêtises dans ses 2 présidences. Il a supprimé le service militaire, ce qui à mon sens est un facteur de désagrégation sociale, de lien social qui s'est rompu. Il a fait cette fameuse dissolution qui lui a coûté une longue cohabitation avec Lionel Jospin. Et puis, il a promulgué justement cette réforme, cette révision de 2000 qui a obtenu exactement le résultat inverse de ce qui était demandé. Plus de démocratie ? Pas du tout. Au contraire, on donne une chambre, une majorité parlementaire qui est totalement soumise à la majorité présidentielle, qui découle systématiquement et de manière mécanique et survalorisée d'ailleurs de la majorité présidentielle. Et donc, effectivement, on bride totalement l'expression démocratique dans ce qui est quand même notre système représentatif, qui est fondé sur le rôle des parlementaires et sur leur manière de responsabiliser le pouvoir exécutif. Donc c'est une très mauvaise révision, celle de 2000, qui n'a fait que renforcer le caractère hyper-présidentiel du régime. Et les 3 successeurs de Jacques Chirac, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron, enfilent volontiers le costume du président tous les pouvoirs. Mais oui, et c'est très regrettable. J'ajouterais même qu'en réalité, celui qui avait annoncé cette révision-là, c'était François Mitterrand. Lorsque élu président en 1981, il avait tout de suite dissous l'Assemblée nationale. Et ce faisant, ce qui pouvait se comprendre dans sa logique, ce faisant, au fond, eh bien, il, de facto, subordonnait la nouvelle Assemblée nationale, on se souvient de la vague rose, à cette majorité présidentielle. Et ce qui s'est passé depuis, effectivement, c'est une subordination, une soumission de plus en plus importante de l'Assemblée nationale au président de la République, ce qui évidemment est une entorse à la libre expression démocratique. C'est très différent de tout ce qui se passe dans les autres pays, dans les grandes démocraties européennes. Ça, le mérite pour le Sénat de lui redonner un rôle d'opposant qu'il avait un tout petit peu perdu, de lui redonner une sorte de lustre institutionnel. Mais franchement, c'est quelque chose qui va, à mon sens, à contresens de ce que demandent les peuples aujourd'hui, de ce qu'est la démocratie. Mais oui, mais sauf que vous parliez de la verticalité du pouvoir, incarnée par Emmanuel Macron aujourd'hui, puisque c'est lui, et l'horizontalité de la contestation, incarnée notamment par les Gilets jaunes. Oui. Mais alors, on en arrive à des situations un peu surréalistes, quand les Gilets jaunes veulent le départ de Macron. Alors ça dénote quand même d'un manque d'information politique, parce qu'un président élu pendant 5 ans, soit il est malade, soit il a fait une faute grave, soit il meurt, sinon il part pas. Évidemment. C'est clair. Donc comment on gère ce paradoxe-là ? Non, mais c'est le paradoxe paradoxe français, cette dichotomie, ce paradoxe entre cette aspiration à la verticalité et même à cet effet d'incarnation dont je parle dans mon livre. On est un peuple qui est toujours sous le poids de cet héritage bonapartiste. On aime se référer à une personnalité charismatique, providentielle, quelqu'un qui est au-dessus de nous, quelqu'un dont on pense qu'il va résoudre tous les problèmes. Mais en même temps, la société, elle avance vers beaucoup plus d'horizontalité. On veut chacun avoir plus de pouvoir. Les réseaux sociaux ne font qu'accroître ce besoin d'intervenir à tout moment et sur n'importe quoi. Même dans la famille, le père de famille, c'est terminé. Le pater familias, les enfants le contestent. Donc voilà, on est dans ce paradoxe permanent. Bien, merci infiniment Jean Garrig. Je rappelle le titre de votre livre, La République incarnée de Léon Gambetta jusqu'à Emmanuel Macron chez Perrin. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la présidentielle de 1965, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Clément Berman qui était à la technique aujourd'hui.